Bonjour. Ah. En ce 1er avril, j'ai décidé d'enregistrer cette chronique afin de ne pas me retrouver en studio en compagnie de Léa, Thibaut, Florian et Gilles, qui, connaissant ma phobie des poissons, n'allaient pas manquer de me faire des blagues de mauvais goût afin de me terroriser. Ouais. Si, je vous connais. Ce n'est pas parce que nous invitons Max Bird que nous allons parler que d'oiseaux. Désolé Max pour cette vanne qui ne vole pas très haut, mais tu es échappé au pire. Elle a su qu'elle venait, que tu venais, Léa a insisté pour faire la critique du film Les Oiseaux d'Hitchcock. On a eu le plus grand mal à l'en dissuader, comme Thibaut d'ailleurs, qui voulait consacrer son billet d'humeur au chef de cuisine Bernard Loiseau, qui étant mort, n'avait vraiment pas besoin de ça. Et je te parle pas de Florian, qui dans ses popotins voulait glisser qu'Émile et Loiseau avait une relation avec Franck Leboeuf. Je veux dire de Gilles, qui voulait profiter de l'émission pour faire la promotion de la prochaine biographie consacrée à Nicolas Poussin. Heureusement, j'ai su les en dissuader. En ce 1er avril, ma chronique ne sera donc pas consacrée aux oiseaux, mais plus logiquement à un poisson du cinéma. Et pour cela, je vais vous faire parler d'un poisson nommé Vanda, film dans lequel on retrouve John Cleese et Michael Palin, deux membres des Monty Python. Encore une histoire d'animaux. Alors il faut savoir qu'à l'origine, le film devait s'appeler Un poisson nommé Jean-Christophe. Je ne vais surtout pas spoiler les personnes qui n'ont pas encore vu, mais il faut quand même savoir qu'à la fin, le poisson, il meurt. Et qu'à l'autopsie ? Oui, car quand un animal meurt dans un film, on fait une autopsie, c'est obligatoire. Par exemple, ce n'est que quand on a autopsié le requin des Dents de la Mer, qu'on s'est rendu compte qu'il était en plastique. Quand on pense à toutes les précautions qu'on a dû prendre pendant le tournage, les cages pour les caméramans plongeurs, un hôpital flottant, des assurances aux primes exorbitantes pour les acteurs, tout ça pour un requin plastique. En même temps, on n'est jamais sûr de rien. C'est pour ça que j'attends avec impatience la mort de Plastique Bertrand. Pour savoir s'il est vraiment plastique. Oui, il est en bois. Oui, je bois un peu quand j'écris mes chroniques. Mais bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poissons. C'est une chronique animalière, je vous le rappelle. Et quand je dis animal hier, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai enregistré cette chronique la veille de sa diffusion. Donc, quand on a autopsié Jean-Christophe, on s'est rendu compte que c'était une fille. Bon, à la décharge du directeur de casting qui s'est trompé, il faut quand même préciser qu'elle s'était présentée à l'audition avec une queue. Poisson, queue. Oh, promis, j'arrête les jeux de mots là. Arrête poisson, encore un jeu de mots. Il a donc fallu rebaptiser Jean-Christophe. Et comme ce film est une histoire de vendu, on l'a appelé Vanda. Alors là, je sens que certains sont en train de se dire, non mais attends, c'est quoi cette histoire sans queue ni tête? N'y voyez aucune allusion à Nabila. Dans le film, ce n'est pas le poisson qui s'appelle Vanda. Vanda, c'est la fille, jouée par la sublime Jamie Lee Curtis. C'est vrai, je m'en rends compte maintenant, mais à ce stade de ma chronique, je continue. Je n'ai pas l'anchois. Je me rends juste compte que ma mémoire me joue des tours. Ce qui me rapproche des poissons rouges, d'ailleurs. Oui, car le vrai problème des poissons au cinéma, c'est le texte. Ils ont beau être tout ouïes, ils ne retiennent rien. L'avantage, vous pouvez refaire 20 fois la scène, ils auront toujours l'impression que c'est la première. L'inconvénient, c'est qu'ils ne progressent pas dans leur jeu. Bon, alors Coco, je te répète encore une fois la scène. Tu longes la vitre de l'aquarium sur la droite, tu contournes l'algue de gauche, puis tu remontes sur la surface. Compris ? Ok, bon, moteur, action. Putain, Coco, je dis l'algue de gauche, pas celle de droite ! Oui, les metteurs en scène disent Coco aux acteurs, même s'ils ne sont pas des perroquets. Ils disent putain aussi. Mais ils sont pas seuls. Nous, on a Thibaut et Florian. Alors Thibaut, je te rappelle que ta maman écoute l'émission. Tout ceci fait qu'à la longue, les scénaristes ont renoncé à écrire des dialogues aux poissons et que d'acteurs, ils sont passés à figurants, figurez. Ce qui leur convient d'ailleurs tout à fait. Hein. Un figurant étant quelqu'un qui passe sa journée à attendre en tournant en rond, les poissons, quand on les appelle, eux, ils sont déjà en condition. Alors bien sûr, certains critiques objecteront que la place des poissons est plus dans la scène que sur scène. Moi, je dis que c'est pas parce qu'on n'a pas de texte qu'on peut pas réussir. Regardez Jean Dujardin dans The Artist. Et puis Vanda, continuons à l'appeler comme ça donc, quand elle joue, elle prend des risques, elle se mouille. Et il en faut du courage, car le cinéma est un milieu de requins. Alors personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Vanda il y a quelques années, rue du Faubourg Poissonnière où elle naviguait. Elle avait un rêve, un message qu'elle m'a confié, et que je vous transmets aujourd'hui. Qu'un jour, tous les poissons rouges du monde puissent enfin se donner la main. Voilà. Comme je ne suis pas là et que nous sommes le 1er avril, j'ignore si vous avez gobé toute cette histoire. Mais si vous n'y avez pas cru, il n'y a pas de sushi. Oh, oh, Jean-Paul, on a eu du grand Jean-Paul. Ouais. Ah, là, il est fort ce Jean-Paul. Ah, il est fort ce Jean-Paul.